Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Gilles Villeneuve, un pilote exceptionnel rattrapé par la mort au volant de sa F1. Je suis conscient du risque, je suis conscient que c'est dangereux. C'est moins plus dangereux que de jouer au golf ou que d'être au tennis. Mais je pense pas au danger que je cours. Être conscient du risque et du danger, mais ne pas trop y penser. En fait, Gilles Villeneuve va souvent parler de risques calculés quand on va lui rappeler à quel point son sport est dangereux. Tout l'art de piloter consistait pour lui à repousser constamment les limites sans jamais tout à fait les dépasser. Mais le 8 mai 1982, le grand coureur automobile aura mal évalué le risque associé à son dernier virage sur le circuit de Zolder. Le jeune pilote de Formule 1 meurt dans un tragique accident lors de la dernière séance de qualification pour le Grand Prix de Belgique. Gilles Villeneuve, l'un des plus beaux espoirs de la F1, n'a alors que 32 ans. C'est une carrière dont l'éclat aura rejailli sur tous les siens, pas seulement sur ses proches, mais sur tous ses compatriotes aussi. C'est ce qui explique sans doute la fierté avec laquelle on se sentait tous un tout petit peu partie prenante dans ses succès. Et c'est ce qui explique aussi ce climat de perte collective qui a déferlé partout au Québec ces derniers jours. Le grand journal sportif européen, L'Équipe, l'avait classé comme, et je cite, « le pilote le plus exceptionnel de l'histoire de la course automobile ». Pour parvenir à ce rang, on sait, ou en tout cas, on peut deviner ce qu'il aura fallu, en plus d'un talent fou et d'une audace également folle, ce qu'il aura fallu de volonté, de perfectionnisme professionnel et de constante recherche de l'excellence. J'ai gardé le souvenir, en plus des qualités, pour ainsi dire, publiques que je viens d'évoquer, le souvenir d'un jeune homme extrêmement intelligent qui avait une sorte d'impressionnante distinction naturelle et absolument aucune prétention. Le premier ministre du Québec, René Lévesque, qui rend hommage à Gilles Villeneuve à l'Assemblée nationale quelques jours après sa mort en mai 1982, pour nous parler du sacré pilote qu'a été Gilles Villeneuve, pour nous parler aussi de l'onde de choc que va provoquer sa mort chez nous. Mon invité Pierre Houde, animateur et journaliste sportif, grand amateur de F1. Pierre Houde, bonjour. Bonjour Jacques. Pour faire suite à cet extrait qu'on entendait de René Lévesque, parlons un peu d'abord de l'importance qu'aura Villeneuve ici, mais ailleurs dans le monde aussi. Quelle place il occupe dans l'histoire de la F1? Si Maurice Richard a été peut-être dans le sportif, oui, qui a symbolisé le plus l'affirmation nationale des Canadiens français, je dirais que Gilles Villeneuve, pour moi, a été le premier à signifier, et je n'enlève rien aux artistes qui ont conquis Paris, dont Félix Leclerc, bien sûr, et autres, et Jean-Pierre Ferland, oui, mais je dirais que Gilles, comme sportif, a été celui qui a symbolisé le plus l'affirmation internationale des Canadiens français, oui, d'Amérique. Et quand on regarde bêtement sa fiche, parce que c'est vraiment pilote exceptionnel, titré à l'époque L'Équipe, et puis c'est encore présent, ça. On dit que Villeneuve est un des grands pilotes de l'histoire de la F1. Pourtant, en 67 courses disputées, 6 Grands Prix, c'est pas énorme. Gilles aura eu le malheur, si on parle de chiffres et de titres, il aura eu au fond le malheur d'être en F1 dans une période extrêmement turbulente, une grande période de changement, une grande période, je dirais, très, très, très limite au niveau technique. Donc, les écuries mettaient beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de peine à développer et la performance et la fiabilité. Et il y avait aussi, qu'on le veuille ou non, une mentalité un peu différente en piste. On était beaucoup plus cavalier en piste, ouais, on était beaucoup plus porté vers le risque. On acceptait le risque beaucoup plus qu'on l'accepte aujourd'hui. La F1 était un championnat pur de pilotes, bien que la technologie, comme je le disais, était extrêmement à l'avant-scène, à compter de la fin des années 70 et du début des années 80. Donc, Gilles aura probablement été victime dans sa courte carrière de ces aléas de performance, ouais, et de fiabilité au sein de l'écurie Ferrari. Il y a un accident qui fauche sa vie et qui met un terme à sa carrière alors qu'il est en pleine ascension. Voilà. Une carrière qui était remplie de promesses. Ça, on le voyait, oui, dans la façon dont il se comportait au volant de sa Ferrari. René Lévesque parlait des qualités plus privées, des qualités personnelles de l'homme. Quel genre d'homme était Gilles Villeneuve? Ben, je pense que le court extrait du début de notre émission en dit beaucoup sur le fond et sur la forme. D'abord, d'abord, Gilles avait cette simplicité de forme dans son propos, mais il était attachant dès les premiers mots qu'il prononçait en public. Et des mots en anglais, en français et en italien, il était parfaitement trilingue dès son entrée à la Scuderia chez Ferrari. Mais Gilles était d'abord et avant tout un homme extrêmement, je dirais, profond, dont la principale qualité, en tout cas moi qui l'ai connu très très peu, mais qui a lu beaucoup sur lui et qui a parlé beaucoup avec son épouse et ses enfants, c'était un homme qui était d'abord et avant tout d'une loyauté extrême envers son entourage, autant professionnel que personnel. Travailleur, grand travailleur. Aussi. Absolument. Et il n'a jamais oublié d'où il venait, Jacques. Gilles, on a souvent dit, et son frère aussi, bien sûr, ils ont aimé se salir les mains pour apprendre leur métier. Et Gilles l'a appris de façon vraiment exceptionnelle. Ça commence en motoneige pour lui. Pour des raisons financières. Parce que Gilles avait déjà, évidemment, avec la voiture du paternel et des voitures rafistolées à Berthierville, on a tous entendu ces récits d'envolées exceptionnelles dans les rues de Berthier ou autour. Mais il ne pouvait pas vivre du sport automobile. Alors que la motoneige, à l'époque, et parce que nous étions au Québec, était plus attrayante. Le championnat était plus attrayant, plus payant, et il était là aussi tout aussi bon. Alors il a choisi la motoneige d'abord pour des raisons financières. Pour vivre, en fait. Puis il va réussir pendant quelques années. Absolument. Avec des bourses de quoi? 1 000, 1 500, 5 000 $. Ouais. Ouais. Ouais. Le sport automobile, en bonne et due forme, il se présente quand dans sa vie? Il se présente donc 74, au milieu de la décennie. Et il est rapidement pointé comme pilote talentueux, mais avec des montures insuffisantes pour affirmer son talent. Et ce qui aura beaucoup nuit à Gilles, c'est qu'il a voulu aller à une course mythique qui est celle de Pau. Il aura été incapable, parce qu'il n'avait pas la monture nécessaire, il aura été incapable de se faire valoir. Alors que certains qui avaient l'œil beaucoup plus avisé disaient « il a un potentiel formidable ». Mais le résultat n'était pas là. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à ce que vous parliez un peu plus tôt, à ce que vous disiez sur sa carrière. Ouais. Mais il va quand même, en 76, il est en Formule Atlantique à ce moment-là, il va y arriver. En 76, il rafle absolument tout. Il rafle tout. 9 victoires sur 10 courses. Oui, et là, les chiffres viennent rejoindre le talent. Donc là, il n'y a plus de doute, il ne peut plus y avoir d'écran de fumée. On a et le talent brut exceptionnel de ce pilote, qui a un coup de volant exceptionnel, et vous avez aussi les chiffres qui viennent le prouver. Et comble de coïncidence, c'est sur nos terres, au Grand Prix de Trois-Rivières, qui avait pris la bonne habitude d'inviter des pilotes d'Europe, des pilotes reconnus mondialement, comme pilotes invités. C'est là Les pilotes de F1. Et en 76, on était au cœur du championnat très, très disputé entre Niki Lauda et James Hunt. Et Hunt aperçoit Villeneuve et voit le coup de volant qu'il a, revient en Angleterre et dit au dirigeant de l'écurie McLaren, écoutez, ce jeune homme-là est exceptionnel, vous devez le garder dans votre mire. Et c'est en Angleterre, d'ailleurs, au Grand Prix d'Angleterre, qu'il va disputer, courir son premier Grand Prix de F1. Au volant d'une voiture qui, globalement, là, a à peu près un an de désuétude. Et vous savez qu'en Formule 1, Jacques, une année de recul sur le plan technique, c'est énorme. Et malgré toutes sortes d'aléas en piste, fuite d'huile, malgré le côté un peu vétuste ou désuet de la voiture, il attire l'attention par ses prouesses. Tant et si bien que, très rapidement, c'est déjà aussi un exploit. En septembre 77, le Grand Prix d'Angleterre, c'est quelques semaines, mois plus tôt. Septembre 77, Gilles Villeneuve fait son entrée chez Ferrari. Quel est le sentiment de Gilles Villeneuve en ce moment, là, maintenant qu'il est rendu chez Ferrari? On peut dire dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est que je suis excessivement heureux parce que je pense que Ferrari est probablement la meilleure équipe. C'est l'endroit où je vais pouvoir faire le plus de testing, où on va vraiment pouvoir se préparer pour l'an prochain. En ce qui concerne la course ici, et puis dans 2 semaines au Japon, eh bien, je suis ici beaucoup plus à titre de préparation, de prendre l'expérience pour l'an prochain que n'importe quoi d'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier Québécois qui arrive à ce sommet-là? Je pense que oui. Je pense pas qu'il y a eu d'autres Québécois avant qui ont été en Formule 1. Si on veut résumer le travail que ça demande, on peut résumer ça comment? Bien, faut pas lâcher de commencer. Faut commencer au bas de l'échelle et puis de fil en aiguille, et bien s'améliorer, changer de voiture et puis avoir de bons résultats. Et éventuellement, il y a des gens qui te remarquent et puis là, tu peux atteindre les sommets. Et pour ce qui est de la maison Ferrari, les relations sont bonnes. Ah oui, ça, les gens sont très fantastiques, là, les mécaniciens, le gérant du balayeur, en fait, à M. Ferrari lui-même. Tout le monde prend soin du coureur Villeneuve. Oui. Ben, pas seulement qu'ils prennent soin, mais je veux dire, ils sont très gentils, ils veulent tous, ils ont tous le même but, quoi, gagner. Et c'était le but de Villeneuve aussi, gagner à tout prix. Gilles Villeneuve au micro de François Perrault à l'émission Télémag en octobre 77. C'est pas rien se retrouver chez Ferrari presque tout de suite quand on fait son entrée en F1. Comment réussit-il ce coup extraordinaire, Pierre-Aude? Ben, en fait, il le réussit par, je pense, une conjugaison de facteurs dont le plus, comment dire, le plus romanesque peut-être, ou celui qui fait toujours l'histoire encore aujourd'hui, c'est le coup de cœur de M. Ferrari qui retrouvait en Gilles son fils perdu de façon accidentelle. Il Piccolo Canadese, c'est comme ça que M. Ferrari surnommait toujours Gilles Villeneuve, très affectueusement. Le petit Canadien. Ouais. Et quand Gilles dit « tout le monde est formidable », il est très modeste, parce que tous ceux qui sont entrés en contact avec Gilles, comme il le disait, du balayeur jusqu'à M. Enzo, Gilles a fait aussi sa part énorme d'intégration, autant sur le plan sportif que sur le plan culturel, parce que, comme je le disais plus tôt dans cette émission, il a rapidement adopté la langue italienne, ouais, et s'est adressé, donc, et a compris toute la mentalité, a compris l'amplitude de ce qu'est Ferrari pour la Formule 1. Mais d'être chez Ferrari, pour lui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est au volant de sa Ferrari que Gilles Villeneuve va remporter son premier Grand Prix à Montréal en 1978. On a sorti le drapeau à carreaux. Je l'aperçois maintenant, mais monsieur le spectateur devant moi, c'est ici, voilà. Tout est prêt à accueillir Gilles Villeneuve, surveillons bien. Il s'amène maintenant vers les derniers virages. Gilles Villeneuve, voilà, le voilà, le vainqueur, Gilles Villeneuve de Vertier. Et la foule. Premier triomphe en Formule 1. Gilles Villeneuve. Tremble où nous sommes. Incroyable, mais vrai. Bravo, Gilles Villeneuve. Quel merveilleux moment. On ne pouvait pas espérer mieux que ça. C'est pas possible. Pour tous les vrais amateurs de sport automobile, certainement, ce Grand Prix du Canada sera une date historique. Date historique, certainement, pour Gilles Villeneuve en premier lieu. Ça va être important. Quelle importance va avoir chez lui, quelle importance va avoir pour lui cette victoire du Grand Prix de Montréal en octobre 78? Ah ben pour Gilles, c'était vraiment une consécration inespérée. Ouais. Et d'ailleurs, la course n'a pas été facile. Ça n'a pas été un bout en bout, comme on dit. Il aura dû compter sur des aléas et faire quelques remontées. Et d'ailleurs, il y a une petite parenthèse. Monsieur Ferrari n'y était pas, mais il était par lien téléphonique. Et puisque c'était assez tard en octobre, il y avait quelques petits flocons de neige à quelques moments pendant la course et M. Ferrari refusait de croire. Il croyait un canular au téléphone et on lui disait « Non, M. Ferrari, Gilles est sur le point de gagner et il y a quelques flocons de neige en plus. » Vous imaginez, Jacques, il y a même eu quelques flocons de neige pour ajouter au portrait total. Et puis ce premier Grand Prix pour lui à Montréal, c'est aussi pour le moment le symbole, Pierre-Aude, de ce que va représenter, de l'importance qu'aura Gilles Villeneuve pour la F1 chez nous. Absolument. On ne connaissait pas ça. La F1 ici. Exact. Quand Gilles est allé en F1 à la fin des années, enfin à la fin de la saison 77, il y a eu un mouvement, mais un mouvement plutôt chez les initiés et de reconnaissance et d'admiration. Lorsqu'il est entré en 78, oui, on a bien lu, on a bien vu, on a bien entendu, mais il n'y a rien comme cette victoire inespérée qui est venue lancer littéralement le mouvement derrière Gilles. On arrive tout doucement, parce qu'il y a des étapes qui vont nous y conduire, mais à cette fin tragique, c'est la mort de Villeneuve sur le circuit de Zolder en 82. Un peu de contexte d'abord, parce que c'est vraiment progressif. Il y a des étapes qui nous conduisent à cette tragédie. La saison de 82 d'abord. Où en est Villeneuve à ce moment-là? Comment se présentent les choses pour lui? Ben, les choses se présentent plutôt bien parce que Ferrari est vraiment étiquetée comme une voiture gagnante en 1982. Et encore là, je tiens à faire quelques bémols avec les aléas de l'époque, mais déjà, les écuries maîtrisaient bien deux grands courants techniques, les moteurs turbo et l'effet de sol, les jupes aérodynamiques qui assuraient aux voitures une adhérence absolument folle à la piste. Alors, c'était des facteurs techniques très larges, très, très importants, et on les maîtrisait bien chez Ferrari. Il y avait aussi un contexte politique qui était très fort en Formule 1, et Gilles, comme les autres pilotes, en étaient les acteurs malgré eux. Il y avait une scission très importante entre un groupe d'écuries, plutôt d'allégeance britannique, qui allait du côté du pouvoir financier que Bernie Ecclestone allait développer avec sa Fédération des constructeurs et les écuries latines, je dirais les italiennes et les françaises, qui allaient plutôt vers le pouvoir sportif qui était dirigé par Jean-Marie Balestre et la Fédération internationale de sport automobile à l'époque. Alors, c'est un contexte politique extrêmement dur à vivre pour les pilotes parce qu'ils étaient les innocentes victimes de cette guerre. Et ça fait qu'il y a carrément des Grands Prix qui sont boycottés par l'une ou l'autre de ces factions. Exact. Le Grand Prix d'Afrique du Sud, il y a encore beaucoup de témoignages sonores et vidéo, audio et vidéo qui vous font entendre Gilles, par exemple, au Grand Prix d'Afrique du Sud, tenter d'expliquer pourquoi les écuries FISA ne participeront pas au Grand Prix d'Afrique du Sud ou à une portion du Grand Prix et pourquoi, à l'inverse, il y a eu au Grand Prix de Saint-Marin, pourquoi il n'y avait que les écuries d'Allégeance Fédération internationale qui étaient en piste. Donc, il est de cette écurie, de ce groupe d'écuries qui participe au Grand Prix de Saint-Marin. Saint-Marin, c'est fondamental. Ça pose un peu ce qui va venir au Grand Prix suivant, à Zolder. C'est le dernier Grand Prix donc que Gilles Villeneuve va disputer, le Grand Prix de Saint-Marin. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Marin? Bien, ce qui se passe à Saint-Marin, d'abord, c'est un plateau réduit, puisqu'il y a boycott des écuries britanniques, ou en fait d'Allégeance, FOCA. Donc, c'est un plateau réduit qui donne un contexte assez bizarre à la course, parce que, bon, évidemment, c'est dégarni comme plateau. Et bien que les points comptent, et bien que la victoire est importante, on est presque en mode démonstration, d'autant plus qu'on est à Imola, et on a beau dire Grand Prix de Saint-Marin, c'était pour contourner le règlement. Imola, c'est en retrait de Bologne, on est au cœur de l'Italie, on est au cœur de la passion de Ferrari, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. Alors, on va donc se sentir obligé de la part de Villeneuve, et de Pironi dans une autre mesure, qui est son coéquipier, se sentir obligé de faire le spectacle, bien qu'on n'aura pas d'opposition qu'on aurait dû avoir. Ouais. Et on se retrouve donc presque en mode, encore là, en mode démonstration autant qu'en mode sportif. Comme et Villeneuve est en tête, et là, il y a un petit jeu du chat et de la souris. Pironi finit par gagner la course. Et Villeneuve, lui, était convaincu que les règles d'équipe n'allait pas changer. D'ailleurs, Villeneuve a concédé le titre en 1979 par sa loyauté et par les règles d'équipe. Il aurait pu être champion en 1979. Il était deuxième pilote derrière Jody Scheckter, absolument. Il est vice-champion en 1979 et il aurait pu très bien agir contre les principes de loyauté qui le liaient à l'écurie et à Jody Scheckter. Il ne l'a pas fait. Il croyait que Pironi allait faire la même chose vers la fin de ce Grand Prix. Et à sa grande surprise, il voit Pironi le coiffer avant la ligne d'arrivée, et Pironi remporte cette course. Il est furieux. Comment réagit Villeneuve? Comment réagit Enzo Ferrari? Ça ne se fait pas, ce qui vient de se faire. Ça ne se fait pas. On est vraiment outré chez Ferrari, mais on est en même temps dans un contexte un peu délicat sur le plan de l'équipe et sur le plan collectif, puisque ça demeure deux Ferrari qui étaient là à la fin, sur le circuit d'Imola. On a tenté de trouver des excuses sur les panotiers. Est-ce qu'il y avait confusion sur les messages qui étaient donnés? Il apparaît que non, le message était très clair envers Pironi, qu'on ne changeait pas l'ordre des pilotes. Et Gilles était furieux à un point où il était pilote d'hélicoptère à l'époque et il avait son appareil. Et il y a un journaliste qui écrit encore aujourd'hui, qui a pour nom Nigel Roebuck, peut-être une des plus grandes plumes de l'histoire de la F1, et qui a monté avec lui. Il a dit « J'ai eu très peur qu'il soit incapable de piloter son hélicoptère tellement il était en furie. » Et ça va le poursuivre, donc, cette colère. Il n'en démord pas et arrive Zolder, le Grand Prix de Belgique, et cet accident fatal, on y vient dans un instant, mais dans quel état d'esprit d'abord il arrive à Zolder, Villeneuve? Ben, ceux qui ont assisté à sa conférence de presse entre Imola et Zolder, ici à Montréal, à l'hôtel Méridien du complexe des Jardins, pourraient tous ensemble ici, Jacques, vous donner son état d'esprit. Parce que Gilles était ici en mission promotionnel et commercial. Il avait un lien avec la brasserie Labatt, qui était le promoteur de l'événement, et il était ici donc pour faire la promotion de l'événement. Tout ça a été réglé en 40 secondes, et il nous a tenus en haleine pendant de longues minutes, interminables mais passionnantes, en crachant son venin sur Didier Pironi et sur la trahison dont il avait été victime. Et je pense que même si, au fil des jours suivants, il y aura eu des différents courants dans sa tête et dans son cœur, c'était un homme profondément blessé, profondément meurtri. Et qui arrive braqué à Zolder, probablement au volant de sa Formule 1, un petit peu dans le même état qu'il était au volant de son hélicoptère dont vous nous parliez il y a un instant. Et évidemment, ça donne ceci. Dernière épreuve de classification en prévision du Grand Prix de Belgique à Zolder, non loin de la frontière hollandaise. Villeneuve, au volant de sa Ferrari, négocie sans problème en barrant un virage relativement simple. Et puis, subitement, c'est la catastrophe. Le bolide, qui fonçait à plus de 260 km à l'heure, est littéralement projeté en l'air, à la suite d'un accrochage au niveau des pneus, avec une voiture qui le talonnait de près. La Ferrari se scinde en deux, en plusieurs morceaux. Et Villeneuve est aussitôt éjecté, avec une violence inouïe. Son corps virevolte et décrit une trajectoire fatale sur plus de 100 mètres. Villeneuve vient s'écraser contre la clôture métallique qui ceinture la piste de Zolder. Extrait d'un reportage de Paul-André Comeau le 8 mai 1982. Pour préparer cette émission, Pierre-Aude, je lisais ce qui sera dit et écrit à la suite de cet accident tragique, cet accident mortel de Villeneuve en 82. On parlera de l'équilibriste qui est tombé. On va dire l'accident que l'on redoutait depuis longtemps. Est-ce que, d'une certaine façon, la mort de Gilles Villeneuve en piste n'était pas une manière de mort annoncée? Je pense que, pour endosser ce que vous dites, Jacques, il faut aller 20 quelques années plus loin et aller jusqu'à la mort d'Ayrton Senna. Il y a des parallèles exceptionnels à faire à tous les points de vue, humains et sportifs, entre Gilles Villeneuve et Ayrton Senna. Et les deux semblaient être incapables d'éviter le destin fatal qui allait les attendre dans des contextes différents. Pourquoi? Mais pas... C'est une question qui me fascine encore pour laquelle je me détache un peu parce que je crois qu'il y a des choses inexplicables dans la vie. En fait, inexplicables de façon pragmatique. Il y a beaucoup de confusion entre le véritable moment et ce qui s'est passé véritablement dans la tête de Villeneuve et sur le plan sportif qui a amené ce contact fatal avec Jochen Mass. Évidemment, l'histoire la plus connue, c'est qu'il était furieux de voir Pironi devant lui aux essais. Il a voulu faire un tour supplémentaire à une époque où les pneus ne tenaient plus après le tour rapide, le tour canon. Il a quand même voulu le faire. Ouais. Mais si on regarde comment l'accident est survenu, c'est que Mass était sur un tour de décélération. Il a choisi, en une demi-seconde, le comportement que tout autre pilote choisirait, la ligne neutre, la ligne du centre. Et Villeneuve a choisi le mauvais côté. Ouais. Pour tenter de le contourner. Mais encore une fois, sans faire de la psychologie à cinq sous, avec cette obsession, Pironi qui l'avait doublé à Saint-Marin et qui était devant lui aux qualifications en Belgique. Je suis convaincu que c'était un facteur majeur, à tout le moins. Pierre-Aude, c'était fascinant. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci. Pierre-Aude, je vous le rappelle, animateur, journaliste sportif, vous l'aurez compris, qui aime un peu la Formule 1 et le sport en général. Merci, Pierre. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.